Sorge. Aber drei Kopf. Schuhe, Wochen, Maff, das ist gleich eine Stütze. Wohin? Geh mich Stütze. Et j'ai d'enfant. Ah, vous savez que j'en vis. Mais si je prends un pied dans mes rêves, c'est bien. Ils sont qu'à emmener mon soeur dans le rond. Les gens sont nécessaires. Ah, pour ce n'y a plus, pas l'enfant. Mais à ton cul, au flic. Les autres, eux, des flics. Mais si ce qui frappe, même moi, qu'on prend Jésus. En tant qu'un homme. Et vous, c'est des yeux, c'est vrai. Et nous, qu'on dit, c'est relevé, va-t-il. Et ils sont frachés. Ah, il faut faire. En ignore sans être. Et fan, moi, c'est. Ah, bah, vous, on fait. Il reste un latin en toi. Il me donne, mais si ce c'est. Un falon, et moi, je suis à la décennie, je suis en éveil, une chine, je suis à la peine de sa piste, je reçois le tarcoeur, tâche à tarif, j'allais déjà ni faire un autre tour, repress. J'admets que c'est un mort, mais c'est du riz, mais si c'est du chien, c'est lourd, c'est glam. Il va leur connaître dans les femmes, mais moi je ribus de l'ouris, dans chez mes héros, je prends ma life à la chirtam. Il veut russe, mais si c'est mort, chirtam. Moi disquette, mort, chirtam. Routal, je sauve russe, non, moi tout le nord, je suis sur PCS, il va la srotal. Saut, non, je s'adopte, c'est mais si c'est mort. Ah, qui s'en a cassé le roi, c'est un fumain, et ni milieu, je serai l'orque rémour. Moi, je suis un chauffeur de retard, et roi est mort. Le fort rappel, mort, le bâti, pique, et là, rien de l'eau, seul, bah, il n'en j'ai plus de presse, une île repasse de nos chars. L'issue, les fils, le nombre en fort, qui joue, qui dresse, mais est coupé. Rien d'axe, je ramène de tchin, mais c'est des trucs géants. Un me traque, un me tchal, froissé sur peu de vos travaux. Un me traque, et des sorcelles, eux, pour le retour. Si fini, moi, c'est un fort, et c'est un fort, un habit, eux, ne s'agit, je suis un fort, mais c'est j'ai étudié en maths, pas dit ça. Parce que l'une est loin, le jour où nous ne sommes pas avec lui. Les roues, c'est mal que t'es la main, et c'est plus de jeu. Si c'est fun, la drague, c'est mon, et des strabarques. Sur le coup, la nage, je t'arrive. Le feu de respect, et des vêtements, et les lances, je me t'achète. Et des c'est aussi beau, la carte, au deux, j'ai fait ma huile, j'ai dit, on s'en m'enfait, les luxes, c'est fait, je prends ma life à la skirtam. Il va se mettre si c'est moi qui s'y retam. Moi, disquette, moi qui s'y retam. Et le vous nous retrouve, et ils disent, j'ai le mot, leur photo. Je vous parle les stables, leur con. Le mot, ça chaleur, les fiches, mais mes coups, c'est les droits, vrai, c'est l'autre. Sonnez des gâteaux, un immeuble de gâteaux, ça regarde là, là. Mais si ce n'est que mes fiches, qui ourna, ça y a. Parce que ni je douille, c'est le du jet, si je me mets, je l'écris le ch. Le goût, il y a où elle est, c'est pas que je me refais le ch. Ce qui m'a mis tenu la loupe, c'est un sort alors ma surprise. Et si j'ai des pays, une alive, je dis non, il dit je dis non, il repite. Un crabe dans la tête, une faudra, et y avoir des gens qui n'ont que je. Et je l'autre, et le roule, c'est un mort, c'est un disagam. Puis je veux la dix, je. Fun, fun, fun. Ben oui, tu combina. On veut, je m'accueille ou attraper. Un os d'un rose et un rouge. Le vaisseau, le lève, je prête à. Dis-le, ouais, je t'amuse, ainsi, et des soucis. Je nous ai laissé, je n'ai un repas du bédro.